La maturité ? Of course ! Clémentine de Corse ? Of course ! Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la collectivité territoriale de Corse. Gilou qui lance le Girard ! Oh, Gibril et tout ça ! Et but, but, but ! Gigantesque ! Aujourd'hui, grand J-Mattel chez Jouet Club. 50% sur le deuxième achat Poly Pocket. Une exclusivité Jouet Club. Valable sur le moins cher des deux articles achetés simultanément chez Jouet Club, voire conditions en magasin. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Pendant le mois géant de chez Géant, faites le plein de bonnes affaires. Oui, jusqu'à dimanche, les carburants sont à prix coûtant chez Géant. Et en plus, jusqu'au 18 novembre, pour tout achat de carburant, recevez un bon de réduction de 5 euros, valable sur vos prochaines courses. Les prix bas, c'est... Voir modalité en magasin et en station. Bon de réduction de 5 euros à valoir des 50 euros d'achat. Hors magasin Corse, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Nathalie Poupin, à Fonsegrive, en Haute-Garonne, nous dit pourquoi. C'est quelqu'un qui met à l'aise. On prend son temps, c'est pas dans l'express ou quoi que ce soit. Et je vois que ce soit pour moi, mes filles comme mon mari. Ça s'est super bien passé avec tous les membres de la famille. Il s'adapte en fonction du profil et du caractère de la personne. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important. Il connaît ses produits, mais en même temps, il dit parlez à votre ophtalmo de ça met en confiance. C'est pour ça qu'on revient et on se sent bien. Bertrand Dallens, l'opticien optique 2000 de Madame Poupin à Fonsegrive en Haute-Garonne. Quand on reçoit un client, on prend toujours le temps de l'écouter, de faire le point sur ses besoins et de trouver une solution adaptée. Et optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous gérons tout pour nos clients. Alors Madame Poupin, contente d'optique 2000 ? Absolument. Et en plus, on est totalement déchargé des papiers. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Quand vous ne chantez pas en français sur cet album, vous chantez en quelle langue, Vanessa Paradis ? En italien. Voilà, ceux qui nous ont appelés au 3210 et qui ont répondu à cette question ont gagné votre album qui sort aujourd'hui, Les Sources. On était ravis de vous accueillir à RTL. Merci Vanessa. Vous êtes la bienvenue, on a passé un moment plein de sérénité, de bonheur et qui me semble tout à fait correspondre à votre état intérieur du moment. À très bientôt sur la première radio de France. On est en retard, on s'excuse auprès de Julien Courbet, que j'accueille tout de suite avec tous ses petits camarades. Non mais passez directement la parole à Stéphane Bern, parce que c'est dans deux minutes, donc c'est idiot. Voilà, bon, chaque fois, mais je bats ma couille. Quand on a Vanessa Paradis, on a merci. Envie de laisser traîner, mais c'est normal. Vous êtes un gentleman. Mais bien sûr, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je suis un peu le cambrioleur ce matin. Allez, bonne émission. C'est parti, mesdames et messieurs, voici l'émission que vous nous avez lancée en ce vendredi 16 novembre. Il y a Romuald. J'ai acheté une voiture que j'ai achetée près de 15 000 euros à un professionnel. Les pneus sont usés, le klaxon et essuie-glace arrière ne fonctionnent pas, le moteur et quant aux freins, ils sont défectueux. Il y a des vidéos sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, notamment de ce fameux compteur qui bloque à 80. Nous avons pour cette spéciale voiture Franck qui est avec nous également. J'ai vendu mon véhicule en janvier 2017. J'ai tout fait dans les règles sur le plan administratif. Et aujourd'hui, on me saisit de 375 euros sur mon salaire et on m'a même enlevé 3 points sur mon permis. Alors que c'est l'acheteur de mon véhicule qui a commis l'infraction. Ça, c'est pour les voitures. En ce qui concerne les retours, retour donc sur Mawaeb, hein, qui a appelé pour sa fille qui s'est fait dérober son portefeuille, vous le savez. Les voleurs ont ouvert 3 comptes, nous allons faire le point. Hier, bonne nouvelle, LCL. Hier, bonne nouvelle, Crédit Agricole. Ça a bloqué du côté de sa banque, le CIC. Nous allons voir si ça a évolué. Et puis, deux retours voyage, coup de gueule de Bernard Sabat, parce que là, sur ces deux cas que nous avons traités il y a 3 jours dans la spéciale voyage, il ne s'est rien passé du tout. Pour nous accompagner, il y a le druide. À l'évocation de son nom, certains enlèvent leur chapeau. Il s'agit du meilleur avocat voiture de France, monsieur Maître Decomon. Bonjour. Bonjour Julien. Il y a Maître Felono qui est là. Bonjour à tous. Bernard. Bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. Xavier Kassovitch réalise l'émission. Vous écoutez le 9h30, 11h. Merci encore de votre fidélité. Les sondages sont tombés hier. Votre émission, le 9h30-11h, est la plus écoutée en dehors des infos d'RTL et de France, avec plus du double sur ses concurrents, comme par exemple RMC. Nous sommes à 1 500 000 quand nos concurrents sont à 600, 700, 800 pour les plus courageux. Mais tout va bien. Merci. Mais je vais vous dire une chose. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons vous aider. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, que vous nous parlerez un petit peu aussi, Maître de Caumont, oui, des gilets jaunes. Vous nous direz, c'est l'actu, quelques petites règles d'or. Est-ce qu'un gilet jaune a le droit, dans le cadre d'une manifestation, d'empêcher une voiture de passer? Que risque-t-on, etc. Mais là, nous accueillons Romuald. Bonjour, Romuald. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Romuald? De l'Aube. Bien. Vous allez mettre un gilet jaune demain, Romuald? On a prévu le gilet jaune, oui. C'est vrai? Vous allez le faire où? Ah, du côté de Barberey, Géant. D'accord. À 20 minutes d'ici. Et qu'est-ce que vous avez prévu? On va bloquer 2-3 accès. Après, bon, on va pas non plus empêcher les gens d'aller travailler, mais on va bloquer 2-3 accès. D'accord. Romuald, je ne sais pas si vous allez le faire avec votre voiture, parce qu'elle n'est pas en bon état. Oui. Racontez-nous un petit peu. Donc, il y a des photos et des vidéos. Écoutez bien l'histoire de la voiture de Romuald. Alors, j'ai acheté une voiture il y a à peu près au mois de juin, donc il y a à peu près 4-5 mois en arrière, et puis donc à un professionnel. Il se trouve en Isère, et donc je me suis rendu compte que sur place, les pneus étaient usés à l'avant, craquelés à l'arrière, que j'avais un klaxon et des essuie-glaces qui ne fonctionnaient pas. Donc sur la route du retour, je me suis aussi aperçu que le moteur il s'emballait, et que je me suis retrouvé bloqué à 90 km/h à fond. Et que les freins, une semaine après, en étant avec ma famille, justement, en allant me promener, les freins ont été aussi défectueux. J'appuyais à fond, il n'y avait rien qui se passait. Je me fais des attorney of the devil, l'avocat du diable, pour ceux qui, comme moi, maîtrisent les deux langues. Mais les pneus, vous le voyez tout de suite, sur place? Oui, alors les pneus, je les ai vus sur place, à l'avant, en effet, je les ai fait constater. Sur l'annonce, c'était bien écrit 4 pneus neufs. Donc je suis arrivé, je l'ai tout de suite fait constater par le professionnel. Et il m'a fait une lettre en attestant qu'il s'engageait à changer les deux pneus à l'avant. Et aussi j'ai vu qu'il y avait des travaux de carrosserie à faire, soi-disant carrosserie camion qui a été repeint par Volkswagen. Et j'ai constaté aussi qu'il y avait des rayures sur le côté. Et soi-disant, il m'a dit qu'il ne savait pas la provenance, c'était sûrement lui. Donc il s'engageait à me changer les deux pneus à l'avant et refaire les travaux de carrosserie qu'il y avait à faire. Mais déjà, a été signé, lui approuvé. Mais déjà, vous laissez partir avec ces pneus-là. Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, Maître de Caumont. Mais quand je vois la photo des pneus, je sais même pas si je le laisse partir. Parce que là, on n'est pas loin de la jante, là. C'est cuit, là. Et effectivement, il y a un risque de responsabilité professionnel de la part du professionnel, justement, qui a vendu la voiture, si jamais il y avait un accident dû aux pneus, même s'il dit qu'il va changer les pneus, qu'il va prendre financièrement en charge. Mais là, il y a un problème de sécurité. Et j'ai cru comprendre, Romuald, qu'on vous a donné un contrôle technique OK? Alors, le contrôle technique, en effet, était OK. Il y avait quasi rien à corriger dessus. Donc, même pas les pneus? Les pneus ne sont pas mentionnés, le klaxon non plus, donc c'est quand même des organes de sécurité. Mais ça, normalement, c'est contrôlé, Maître de Caumont? Ah oui, ça, les pneus, c'est contrôlé. C'est un organe de sécurité, ça fait bien entendu partie des points de contrôle obligatoires sur un contrôle technique dont on peut se demander s'il est vraiment très sérieux. Donc, quand vous êtes, c'est ce qu'on voit sur la vidéo, à 80 et que vous appuyez pour aller à 90, en fait, ça bloque, c'est ça? Ça bloque, le moteur ne monte pas plus. Bon, alors quand vous appelez ce vendeur, je rappelle encore une fois, il s'agit d'une annonce du Bon Coin, puisque vous le savez que sur le Bon Coin, il y a des milliers de professionnels, mais ce sont des professionnels qui achètent des stocks de voitures, les revendent, c'est pour ça qu'il y a souvent des histoires de compteurs trafiqués, etc. Il a donc traversé la France, il est parti de l'Aube pour y aller se disant « je vais faire une bonne affaire », car évidemment, pour que vous n'alliez pas chez un concessionnaire en bas de chez vous, on casse les prix, mais vous en avez pour votre argent. Et ça, je vous le dis, c'est la réalité. Maître de Caumont peut témoigner, on est là depuis maintenant 20 ans. Effectivement, une voiture que vous auriez dû payer 10 000, on vous la vend, c'est vrai, à 7 000, mais vous en avez pour votre argent, puisqu'après, le moteur casse. Et alors après, c'est plus 10 000 que cela vous coûte, c'est un procès et 15 000. C'est la réalité, mais voilà, vous êtes appâté par le prix, je peux le comprendre, mais je vous assure que sinon, tous les centres d'occasion Renault, Peugeot, Fiat fermeraient si les voitures comme ça étaient vendues aussi peu chères et en bon état. Plus personne, il n'y aurait pas un couillon qui irait payer 10 000 quelque chose qui marche à 6 000. Bon, Maître de Caumont, qu'est-ce qu'il peut exiger? Là, il peut exiger tout simplement l'annulation de la vente. et le remboursement du prix payé. Comment je vais vous donner un conseil de radio, vous nous donnez des conseils, vous, de voiture. Oui. Si vous mettez la main devant la bouche, je vous assure que ça donne ceci. Alors que si vous la sortez, je mets la main, j'enlève la main. Essayez. Mais vous savez que c'est impressionnant. Ça marche bien. Exactement. Merci Julien. J'ai enfin compris comment marchait la radio. Alors donc, il peut se faire rembourser. Parce que c'est quand même ça. Il a complètement oublié ce que je lui ai posé comme question. Il arrive à le mettre. Deux questions d'affilée. Voilà, il me dit voilà, j'ai répondu. Alors donc, est-ce qu'il peut avoir le remboursement? Il faut éviter les propositions complexes à mon âge, Julien. Allez-y. Il faut faire les choses une par une. Ayez respect de mon grand âge. Donc, pour ce qui est de la voiture, et sans mettre la main devant la bouche, je vous confirme que compte tenu du fait qu'elle a dysfonctionné immédiatement et que les dysfonctionnements sont graves, c'est l'annulation pure et simple de la vente qu'il faut demander, avec indemnisation notamment des frais qu'a dû engager notre ami, par exemple la carte grise. Eh bien, nous allons appeler ce monsieur, voyons comment il va nous accueillir. Malheureusement, ces cas se multiplient, ça se passe dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Vous me préparez le numéro, s'il vous plaît, Céline. On prépare. Pendant ce temps-là, Bernard est en train de se préparer, lui qui participera demain à une autre grande journée de mobilisation, les Sleep John qui bloquer des routes également, car ils ne sont pas contents. Ah non. Vous êtes sur RTL. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisir au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver, à partir de 356 € TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Holiday on Ice fête ses 75 ans. Plongez dans la magie du plus grand des spectacles sur glace avec les meilleurs patineurs artistiques mondiaux. Holiday on Ice, au Palais des Sports de Paris, du 28 février au 5 mars 2019 et en tournée dans toute la France. Plus d'infos sur holidayonice.com. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron? T'es chez Lidl? Ah oui, et là ils mettent la clé sur la mâche. Aujourd'hui et demain, la barquette de 150 grammes de mâche à grande feuille est à 99 centimes. Quoi? 99 centimes la barquette de mâche? Moins d'un euro? Là je me fâche, hein. Ah oui, mais c'est le vrai prix, hein. Et permettez-moi de mettre l'accent sur l'origine France, bien sûr. C'est ça, ouais, continue à mettre l'accent. Ah, on est mal, hein? Oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 6,60 € le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Nocibé. Chez Nocibé, c'est Black Friday pendant 10 jours. Chaque jour, 3 ventes flash, 2 produits de grande marque à moins 40% et 1 produit Nocibé à moins 50%. Profitez-en vite en magasin et sur Nocibé.fr. Jusqu'au 25 novembre dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants et sur Nocibé.fr. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Thomas demande à l'accueil du magasin. On gagne quoi avec les tickets d'or? Des euros carte U. 3, 5, 10, 15, 250 euros à verser sur votre carte U. Il suffit de gratter votre ticket remis à partir de 25 € d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous appelons pour Romuald et sa voiture molite. Il achète un van 15 000 euros, mais très rapidement, il s'aperçoit que le klaxon et les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Pire que ça, un beau jour, les freins le lâchent. Et le moteur s'emballe, il ne peut pas dépasser 80. Les pneus sont complètement usés, ils sont pourtant passés au contrôle technique. Allez voir la photo. Allô? Ah bon, d'accord. Non, pas encore. Ok, on y va. Ça va sonner. Alors, attention. Nous sommes du côté du département 38. Allô? Oui, allô, j'étais à Auto? Oui. Oui, vous êtes monsieur Sabag? Oui. Bonjour monsieur, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL. Oui. Je suis avec Romuald. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis avec Romuald Dugast qui vous a acheté le T4 Multivan. Oui. Voilà, et qui nous explique qu'il a quelques petits soucis, puisque bon, il est parti avec des pneus complètement usés, mais ça je crois que vous aviez convenu qu'il serait changé. Mais il s'est aperçu qu'une porte était cassée, que la carrosserie était rayée, le moteur s'emballe à 80, il ne peut pas aller au-delà de 80 km/h, le klaxon et l'essuie-glace arrière ne fonctionnent pas, et les freins ont lâché quelques jours après. Donc je crois qu'il a repris contact avec vous, mais vous ne lui donneriez pas, d'après ce qu'il nous dit chez GTA Auto, signe de vie. Est-ce que... Il est là, Romuald. Hein. Vous pouvez dire bonjour, Romuald. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors comment peut-on faire pour l'aider ce monsieur? Parce que là, sa voiture, c'est une petite catastrophe. Déjà, on ne comprend pas comment elle a pu passer le contrôle technique avec ces pneus-là, mais parce que c'était marqué sur le contrôle technique, monsieur, que les pneus étaient en bon état? Oui, j'ai marqué de bon état, oui, ils sont de bon état. Et, mais vous avez vu les pneus avant quand même, il vous les a montrés? Oui, j'ai vu, ils ont rien, les pneus. Vous pouvez voir le contrôle technique, c'est pas moi. Oui, d'accord. Bon, ok. Bon, alors maintenant, sur les freins, sur le moteur qui n'accélère plus, oui, sur le klaxon. Oui, j'ai rien dit, moi, dès le départ, je lui dis amène le véhicule et on va faire tout le nécessaire parce qu'il a sous garantie le véhicule. Oui. Et même j'ai proposé à lui pour qu'il passe chez Volkswagen pour le puissance. Bah, il veut pas passer, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne peux pas déplacer 550 km. Bah voilà, c'est ça. Alors, j'ai refusé, moi, comme travaux là-dessus. Hein. Ok, on va demander à Romuald. Alors Romuald, expliquez-nous. Alors, monsieur Sabac, faut être de bonne foi. Je vous ai dit par rapport à mes souhaits, par rapport à tout ça. La voiture, je l'ai achetée, j'ai eu des problèmes tout de suite avec. Je vous ai appelé, je vous ai envoyé la vidéo dès le lendemain. Vous saviez que je partais en vacances après en Corse avec ma famille. Donc, j'ai pas pu utiliser le véhicule pendant une semaine. À mon retour, pendant ces vacances-là, je vous ai eu au téléphone. Vous deviez m'envoyer. Écoutez-le, monsieur. On s'était mis en accord. Tous les deux, oui. Je vous ai dit, il y a ça qui va pas, et maintenant le moteur. Vous m'avez dit, ok, je vous fais un virement sur votre compte, je viens chercher le véhicule. C'est ce que vous m'avez dit, donc j'ai attendu. Vous m'avez dit, je vais à la banque, j'ai attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours. J'ai jamais eu de nouvelles de votre part. J'ai essayé de vous appeler à plusieurs reprises pour vous demander ça en était où au niveau du virement. Oui, j'ai fait, vous inquiétez pas, ça va arriver. L'argent n'est jamais arrivé. Et notre condition, c'était que vous me remboursiez les 10 000 euros. Et par virement, et après vous me rendiez le chèque de 4 950 que je vous avais fait, et vous récupériez le véhicule à mon domicile. C'est ce qu'on avait convenu ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Sabag? Non, je suis pas d'accord, parce que j'ai pas dit ça. Ah, alors, il a mal compris. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez la réparer? J'ai pas dit ça, parce que si j'ai dit ça, je prends pas un chèque normal, c'est pas un chèque de banque, ni virement, j'ai confiance à lui. Il m'a laissé à moi un chèque servé 4 950 euros, dont bonne foi, parce que lui, ça se voit, c'est pas quelqu'un l'arnaqueur. J'ai pris le chèque, et après 5-6 jours, j'ai mis le chèque dans mon compte. Alors, à la base, c'est pas ce qu'on avait convenu, le chèque de 4 950 euros. Messieurs, Romuald et Youssef, le chèque, on s'en moque un peu. Voilà, je vous le dis honnêtement, le chèque, on s'en moque. Moi, monsieur de GTA Auto, il y a une voiture qui a été vendue, qui visiblement est dans un état lamentable. Il est parti avec des pneus, vous dites que non. J'ai mis la photo sur Facebook, la page, ça peut vous arriver du pneu. Vous me dites que le pneu est tout à fait normal. J'invite tout le monde à aller le regarder. Pourquoi il a pris le véhicule? Parce que monsieur, quand on a fait, monsieur, mais je vais vous le dire, monsieur, écoutez-moi. Monsieur, je vais vous dire pourquoi il a pris. Parce qu'il a fait la bêtise, et je déconseille à tous ceux qui nous écoutent, ça n'engage que moi, d'aller chercher une voiture à 500 km. Parce que quand vous avez fait 500 km, après que vous êtes devant le fait accompli, vous ne savez plus quoi faire. Il aurait, et je le dis à tout le monde, vous achèteriez en bas de chez vous, chez un concessionnaire, ça n'arriverait pas. Donc maintenant, monsieur, ce que je vous propose, je vais vous passer Bernard Salva une seconde. Il y a deux solutions. Soit il fait un procès, soit vous trouvez un accord avec lui. Il peut aussi faire un petit effort, Romuald. Mais là, en l'état actuel, des choses, je vous assure que l'état de la voiture est quand même assez catastrophique. Nous, on va se tourner aussi vers le contrôle technique qui a laissé passer l'état des pneus, qui n'a pas vu qu'il n'y avait pas de klaxon, parce que je ne sais pas si vous avez ce qui s'est passé, vous me dites que vous ne les connaissez pas, donc on prépare le numéro, allez-y, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc c'est là-bas que vous envoyez toujours vos voitures, hein, je suppose. Non, c'est pas tout le temps. Ça, on va essayer celui-là, on va l'appeler. Voilà, ça sonne, on va les appeler, on va leur demander pourquoi il n'y a pas de klaxon, pourquoi, comment ils ont pu voir tout ça. Mais c'est un fusible, on va voir. Alors, le contrôleur. Alors, vous le récupérez, Céline, vous le passez madame. Bernard, vous récupérez, monsieur, je reviens dans une seconde pour poser, pour avancer dans ce dossier, peut-être un commentaire, maître de Comont. Oui, écoutez, je trouve que l'attitude de notre interlocuteur est un petit peu légère dans la mesure où il vous répond. Les pneus, non, pas de problème. Moi, j'ai mis qu'ils étaient bons, c'est le contrôle technique, hein, il n'y a pas de problème, j'y suis pour rien. Le contrôle technique. Alors, pourquoi il lui change dans ces cas-là? Bien entendu, le contrôle technique a des responsabilités évidentes dans la façon dont a été fait ce contrôle technique, mais pour autant, ça

ils sont craquelés, c'est la photo que j'ai envoyée, et ils sont complètement craquelés, et c'est des photos, des pneus qui datent de 1998, l'indice a été entouré. JB, il y a eu une expertise, on a oublié de le dire. Oui, tout à fait, il y a eu une expertise, il y a un rapport qui a été rendu le 22 août, et l'expert confirme bien que le véhicule est dangereux en l'état. Bon, alors, il y a GTA Auto qui a le droit d'accepter ou de ne pas accepter. Quel accord a été trouvé, enfin si accord il y a, Bernard Sabat, entre GTA Auto, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres GTA Auto, c'est celui qui se trouve à Fontanil-Cornillon, dans le 38 rue de la Verrerie. Youssef Sabag a été très clair, lui, il ne reprendra pas la voiture. T'as déjà un. Deux, il est prêt à changer, à payer les deux pneus de devant, pas ceux de derrière. D'accord. Et c'est comme ça, et pas autrement. Mais donc, à Rumain, le moteur et le reste, non. Non, il dit qu'il a, lui, il a pas de souci. Lui, c'est les 1000 euros, les 1000 kilomètres qui ont été faits, Julien. C'est 1000 km qu'on a fait, c'est 500 km déjà pour rapatrier le véhicule et tester le véhicule, évidemment. Bien sûr. Alors, dernier point important, Julien, pour rester objectif, Youssef Sabag dit que notre auditeur l'utiliserait dans le cadre de Blablacar et qu'il utiliserait ça pour des transports, etc. Est-ce que ça peut jouer? Ça me paraît assez aberrant comme argument. C'est le kilométrage qui compte, qu'il en fasse du Blablacar ou une voiture, elle roule. Voilà, donc c'est pas parce qu'on fait du Blablacar que tout d'un coup, on se met à rouler n'importe comment en première pendant 800 km. Enfin, c'est peu importe. Bon, on reste là-dessus. Donc, monsieur GTA Auto, vous préférez une procédure? Monsieur, il amène la voiture ou si moi j'amène la voiture, il y a deux solutions. Si moi j'amène la voiture ici, je fais tout le nécessaire, je fais les puissances, etc. Il marque tout sur le papier, je fais tout le nécessaire, mais retour, je paye pas retour. Il faut venir voir, Romuald, signer un papier. J'ai compris, monsieur. Pourquoi il a pris le véhicule. D'accord. Monsieur, je vous interromps parce qu'il faut que je demande à Romuald son avis. Romuald, c'est soit procès. Au procès, vu ce que l'on a, vous avez de fortes chances de gagner, mais ça va prendre du temps. Mais vous aurez le remboursement. Mais on ne va pas se mentir. Il va falloir prendre un avocat et passer un peu de temps. Sinon, vous lui amenez la voiture et il vous répare tout. Mais il faut que vous l'ameniez. Voilà, Romuald. Alors, je prépare. Monsieur. Romuald, allez-y. Monsieur Sabag, le problème qu'il y a, c'est que la voiture, dans l'état où elle était, je ne vais pas me faire 500 km avec une voiture à 80 sur l'autoroute. Si demain j'ai un autre souci, là, j'ai fait même pas 1000 km avec. Si demain il y a un autre souci, parce que depuis que je l'ai, ça a été les pneus, après il y a eu les freins, et après ça va être quoi? Moi, j'ai pas envie de mettre ma vie en danger pour un camion. Donc, vous êtes professionnel. Je vous propose, comme vous m'aviez dit, vous venez chercher le véhicule, mais en aucun cas je vais aller chez vous prendre de mon temps et pour aller faire réparer un véhicule. Et honnêtement, j'ai pas confiance en vous. Je sais pas ce qu'il va me faire dessus. J'ai pas confiance. Et j'en profite, comme je le répète chaque jour, quand je vous dis qu'il ne faut pas aller acheter à 600 km une voiture, c'est aussi pour ça, parce que dans 97% des cas sur RTL, en tout cas, quand elle est en panne, la personne vous dit il faut la ramener. Moi, je ne la ramène pas. Donc, vous avez une voiture cassée à 700 bornes, il va falloir vous payer une remorque, etc. À la différence de ce qui se passe quand vous achetez chez un concessionnaire d'une marque, où là, vous avez une garantie de réseau qui permet que vous fassiez réparer s'il y a la moindre difficulté chez le concessionnaire de votre ville, même si effectivement vous avez acheté loin. On les laisse discuter. Juste après les infos, on prend la décision, mais tribunal, il gagnera, Romuald. Mais voilà, j'ai l'impression que ce monsieur, de toute façon, ne peut ou ne veut rien faire. Et je le comprends, je ne suis pas là pour l'obliger. Je lui ai demandé son avis, vous les récupérez. Fin des infos, ils nous font un bilan sur cette transaction entre GTA Auto à Fontanil-Cornillon. Et encore une fois, je voudrais juste apporter une petite précision. Je sais que vous êtes parfois obligé, parce que vous n'avez pas le budget, c'est pour ça qu'il y a les gilets jaunes demain, parce qu'il y a des gens qui n'ont que 3000 euros à mettre dans une voiture. Je le comprends, ça, mais je vous assure que si je vous le dis, c'est parce que ces 3000 où vous vous dites « chouette, je vais pouvoir avoir une voiture parce que je n'ai que 3000 », vous coûtera à l'arrivée de toute façon 7 ou 8000. Donc des fois, il vaut mieux voir un modèle un petit peu à la baisse, moins luxueux, plus petit, mais achetez-le en bas. Parce qu'après, quand une voiture, comme ça, commence à avoir des ennuis, c'est un gouffre, ça ne s'arrête jamais. Vous avez de quoi vous payer une Porsche à l'arrivée. Oui. J'aurai du nouveau, Julien. Je parle avec Youssef. Allez, après ça se passe les infos, dans quelques instants, mais tant mieux. Bravo, Bernard Sabat. Le cas numéro 2 arrive. L'administration prélève Franck de 375 euros et 3 points sur son permis pour une infraction qu'il n'a pas commise. Le véhicule utilisé a été vendu. Ça se passe sur RTL dans une seconde après les infos. Bonne journée à vous tous, vous êtes sur RTL, la première radio de France. Sephora. C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors n'attendez plus. C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. À très vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr. Sephora, au cœur.

le 10 et le 12. La dernière minute, c'est le 16, Dragster. Le temps pour cet après-midi, il fera beau sur la moitié ouest de l'Hexagone. Du gris de l'autre côté, des nuages encore nombreux sur le golfe du Lion avec un risque d'averse. La soirée sera calme et sèche. Les températures, 9 degrés à Sedan et à Metz, 11 degrés à Lille et Amiens, 13 à Paris, Orléans et Lyon, 15 à Cherbourg, Tours et Grenoble, 18 degrés à Marseille, 19 à Bordeaux et bien Ritz, 10h04. Bonne journée à tous sur RTL. Et on retrouve Julien Courbet. Ah, mais dis donc, vous avez hésité. Alors, mais est-ce non, que c'était une hésitation qui voulait dire je rêve d'avoir quelqu'un d'autre à la place ou alors ah, c'était du suspense. On en reparlera après. On vous retrouve tout à l'heure à 11h. Merci beaucoup. Nous allons faire le point info sur tout ce qui s'est passé. C'est une spéciale PV Radar. Le radar, il m'a pris la voiture. Quand il était... Allez, on y va, c'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et nous avons démarré par ce cas incroyable de Romuald. Je dis incroyable parce que c'est vraiment l'état de la voiture. D'après ce que nous décrit Romuald, comment a-t-il pu partir avec ? Et la liste des problèmes sur ce véhicule est longue. Pneus usés, klaxon et essuie-glace cassés, moteur qui ne va pas au-delà de 90 km/h, etc. Et aujourd'hui, le monsieur de GTA Auto, enfin en tout cas dans le dialogue que l'on a eu, dit, alors on rappelle quand même qu'il a acheté cette voiture chère. On rappelle aussi qu'il a été l'acheter sur le bon coin à 500 km de chez lui. Donc aujourd'hui, comme elle n'avance pas et qu'elle ne marche pas, GTA Auto à Fontanil-Cornillon dit faut me la ramener. Puis dans ces cas-là, je la réparerai. Mais comment l'amener puisqu'elle n'avance pas? Voilà où nous en étions. Bernard Sabat, est-ce que la négociation a évolué entre notre auditeur et GTA Auto? Oui, monsieur Youssef Sabag souhaite faire une proposition à Romuald. Écoutez-le. Je vous écoute, monsieur Sabag. Oui, monsieur. Le mardi, j'amène quelqu'un de ma part, mais il va indiquer quelle heure il va être. Je reste contact avec vous, avec lui. Il va récupérer le véhicule, je fais tout nécessaire. Et dès qu'il finit le véhicule, j'appelle lui, il vient voir le véhicule, il signe un papier, comme quoi il est content, tout est bien fait, et il part avec. Ok, Romuald, c'est la dernière proposition de ce monsieur. Vous pouvez l'accepter comme vous pouvez la refuser, décider d'aller en justice. C'est vous qui choisissez. Que choisissez-vous, Romuald ? On va choisir la voie de la raison. On va prendre l'option 1, donc ça. Parce que j'ai pas envie de me lancer dans 50 procédures, mais je vais prendre cette solution-là. De toute façon, ce qu'on va dire, j'ai pas trop le choix. Quoi. Bon, écoutez, ça marche. Dernier Bernard. Point, donc je confirme que Youssef Sabag va envoyer quelqu'un pour récupérer le véhicule, pour effectuer les 550 km dans l'autre sens. Le véhicule va rentrer chez Monsieur Sabag avec une liste de travaux. Que demande évidemment notre auditeur. Et puis évidemment, il viendra, cet auditeur, constater si ça a été d'accord. Fait. Et puis après, ils verront comment ils sont tombés. Donc, JB, vous suivez ça de près. Je veux qu'on en fasse vraiment, qu'on suive minute par minute. La voiture est partie, la voiture vient d'arriver, la voiture est en phase de réparation. D'accord ? Ce sera suivi. Allez, ça marche. Romuald, on fait comme ça. Et puis si ça ne se passe pas bien, effectivement, vous aurez dans ces cas-là toujours la voie de justice. Mais laissons quand même la possibilité à GTA Auto de pouvoir la réparer. Il va y avoir des règles d'or dans une seconde. Bernard, s'il vous plaît, rapidement. Juste un point, vous dire que je n'ai pas de lien direct avec monsieur Youssef Sabag. Je préfère le dire, Julien, parce que vous allez me chambrer peut-être dans la journée. Donc. De toute façon, vous pourriez en avoir. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci, on Julien. Se tient au courant, Romuald. Je veux de vos nouvelles la semaine prochaine en direct sur RTL. D'accord ? Ok, ça marche. Allez, ça marche. Merci à tous les deux. Dans une seconde, le cas numéro 2. Franck a été saisi de 375 euros sur son salaire. Il a aussi perdu 3 points sur son permis. La raison, une infraction commise avec un véhicule qu'il a vendu il y a 2 ans. Juste après la petite pause, la règle d'or concernant ces voitures d'occasion avec Maître Decaumont avant d'attaquer le cas numéro 2. A tout de suite et bon week-end d'ores et déjà sur l'antenne d'RTL. Il y aura les gilets jaunes, mais après tout, n'est-ce pas aussi un moment de convivialité de voir comme ça tout le monde habillé en jaune? Oh. Oui. Hein, ça me donne peut-être envie d'en boire un petit avec modération, qui sait, attention. Avec les cadeaux Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec Orange, je vais réussir toutes mes photos de Noël grâce au Samsung Galaxy A9 et ses 4 capteurs photo. Et bien moi, avec Orange et le Galaxy A9 avec son objectif grand angle, toute ma famille va rentrer dans les photos de Noël. Mais moi, avec Orange, je peux m'offrir le Galaxy A9 avec ou sans abonnement. Attends, t'es pas chez Orange ? Faut vraiment qu'on parle, hein. Pour Noël, offrez-vous le dernier Samsung Galaxy A9 en série limitée et en exclusivité chez Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, édition limitée et en exclusivité chez Orange jusqu'au 31 janvier 2019. Détails et tarifs en boutique et sur orange.fr. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de partir à l'aventure avec le SUV Peugeot 2008, et si vous êtes impatient de sortir des sentiers battus avec son Grip Control, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre SUV Peugeot 2008. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, t'es chez Lidl? Ah oui, et aujourd'hui et demain, ils font la barquette d'un kilo de poire à 1,49€ et la deuxième est à moins 50%. 1,49€ la barquette d'un kilo et la deuxième à moitié prix. Tu te payes ma poire? Ah non, c'est le vrai prix, ça fait 1,12€ la barquette si on en prend deux. C'est un pépin pour nous ça. Ah bah comment? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,49€ la barquette d'un kilo vendue seule, catégorie 1, calibre 50-60, variété conférence. Origine Belgique. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Machine de verre et d'acier, elle débarque sur Terre pour sauver notre monde. Ses super pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED. Découvrez les super pouvoirs de la nouvelle Skoda Fabia Clever à partir de 99€ par mois. Offre avec 1000€ de prime à la conversion et 3000€ de remise déduite jusqu'au 31 décembre 2018. Location longue durée à particulier, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1295€ sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Ah mince, j'ai oublié de demander à Romuald, je crois qu'il est dans l'aube, Romuald, et moi je joue à 3 demain, je voulais lui demander où est-ce qu'il allait faire son intervention gilet jaune, mais attendez, moi j'irai tranquillement avec mon gilet jaune. Dans également. Le théâtre où vous allez faire votre ah, très bien, ça serait pas mal, ça. Bon, ben, c'est demain soir. Nous allons donc vous demander une règle d'or, s'il vous plaît, Maître Delcomont. La règle d'or sur RTL. On rappelle que ce n'est pas parce qu'une voiture, parce que c'est souvent l'argument que l'on entend, non mais attendez, il a acheté la voiture 3000€, il ne faut pas exagérer. Mmh. Peu importe l'état, la voiture doit être en état de marche, quel que soit son prix. On est bien d'accord, Julien. La voiture qui est vendue par un particulier, et à plus forte raison d'ailleurs encore par un professionnel, doit être en parfait état de fonctionnement. Sauf si le véhicule, et dans ce cas-là, ça doit être précisé par écrit, accepté, signé, est vendu par exemple pour la pièce. Ce qui arrive parfois. Ça doit être marqué. Mais totalement marqué. À partir du moment où il n'y a pas l'acheteur de restriction. L'acheteur sait qu'elle ne marche pas, il l'achète. Voilà. Il faut bien faire marquer. Parce qu'il va lui servir de banque d'organes. Il a la même voiture, ça l'intéresse. OK. Mais sinon, quand vous achetez une voiture pour rouler avec, de toute façon, elle doit être en état de fonctionner, même si on peut admettre une usure de certaines choses au bout d'un certain temps et d'un certain kilométrage, mais en aucun cas, elle ne peut être en hors d'état de fonctionnement. Rapidement, deuxième point. Quand le garagiste dit, mais faut qu'il me la ramène. Parce que maintenant, on a tous les jours, puisque les gens n'ont pas de sous, et ils vont acheter des voitures pas chères qu'ils trouvent chez un professionnel qu'ils ont trouvé chez le Bon Coin, qui se trouve à Strasbourg, alors qu'ils habitent à Tarbes, et que le professionnel dit, elle marche pas, pas de souci, il me la ramène. Est-ce que c'est vraiment à celui qui l'a acheté, qui est bloqué chez lui, à 500 bornes, de la ramener? Non. C'est pas lui. Imaginez que la voiture est en panne complète. Est-ce que vous vous doutez de ce que ça représente de mettre la voiture sur un plateau, sur une dépanneuse, pour traverser la France entière? Si ça se trouve, ça va coûter la moitié du prix de la voiture. Ouais. Bon, donc bien entendu, c'est à celui qui est responsable de la panne du véhicule d'en assumer les conséquences, et toutes les conséquences, y compris de se déplacer avec sa boîte à outils ou de faire faire les travaux par un garage local et d'en payer la facture. Merci beaucoup, Maître Decoumont, qui a beaucoup changé. Enfin, moi, je le connais depuis 20 ans, mais je ne savais pas qu'il explorait de nouveaux territoires dans sa vie sentimentale. Non, parce que j'ai pris l'ascenseur tout à l'heure avec lui. Oui. Et j'étais dans un coin, et puis lui il était dans un autre, et il y avait cette promiscuité. Tout d'un coup, il me regarde et il me dit comme ça: viens contre moi, viens tout contre moi, viens toucher le bout de mes doigts, viens sentir le goût de mes lèvres, viens plonger dans l'oubli et le rêve. Parle-moi d'amour, je veux dire. je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Mais je dois m'en aller. Il faut tout oublier. Yes, I know. Yes, I know. Je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Mais je dois m'en aller. Il faut tout oublier. Mais je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Mais je dois m'en aller. Il faut tout oublier. Je dois m'en aller, c'est Niagara sur l'antenne d'RTL. Il est 10h15. Un premier cas a été traité, un accord a été trouvé. Il faut maintenant attaquer le deuxième et dans une seconde, nous allons parler de PV, de radar. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé, notamment avec ces sociétés privées. Vous aviez peut-être vu le numéro de Capital là-dessus. De quoi s'agit-il, Charlotte ? Franck a vendu sa voiture début 2017. Comme il a reçu l'accusé d'enregistrement de la préfecture, il pensait que tout allait bien. Mais quelques temps plus tard, il reçoit une amende pour cette voiture. Et voilà, ça recommence. Hein, ça me rappelle cette blague, ce type qui arrive au bar et qui dit eh, s'il te plaît, vous savez moi, Ricard. Alors, le lui sert à rire. Et voilà, ça, je me rappelle plus de la blague en fait. Elle est excellente. Elle est excellente. En fait, c'est ça la blague. Non, mais attendez, je vais y repenser parce que là, je me suis lancé, je me suis aperçu que j'avais oublié la chute. C'est quand même un peu idiot. C'est quand même un peu dommage. Alors, on peut, si vous voulez, être la radio qui fait des blagues sans chute, mais je ne suis pas sûr que ça nous fera beaucoup progresser. Donc je dis avec les chutes. Bon. Un peu. J'en ai fait une belle là, en attendant sur l'antenne. Franck, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, Franck, tout va bien, oui? Oui, ça va. Bon, mais je vais m'occuper de vous dans une seconde. Franck, vous vous trouvez où, là, actuellement? Je suis en Seine-et-Marne. Ah, très bien. Vous allez faire l'opération Gilet jaune, vous, Franck? Non, moi, avec ma petite famille et tout, j'ai mes enfants qui font des activités sportives. Ah oui, il faut bien les accompagner. Je suis occupé. Allez, ça marche, on parle de vos histoires là, d'erreurs. 375 euros, et puis Maître Fellono nous parlera de l'opération Gilet Cachemire qu'elle organise avec les gens de son quartier. À tout de suite. Voilà. C'est Black Friday avant l'heure chez Sephora et c'est complètement dingue. Nos parfums et coffrets parfums sont à moins 30%. Alors n'attendez plus. C'est le moment de vous enivrer de nos fragrances irrésistibles et d'attirer toutes les convoitises sur vous. Mais attention, vous n'avez que jusqu'au 26 novembre pour profiter des moins 30% et céder à vos coups de cœur parfumés. À très vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur Sephora.fr. Sephora, au cœur de la beauté. Avec les jours Peugeot Pro, maîtrisez l'impossible. Vos compétences sont uniques et votre métier spécifique. Les experts Peugeot connaissent parfaitement votre activité. C'est pour cela qu'ils construisent avec vous votre projet d'utilitaire sur mesure pour qu'il s'adapte précisément à vos besoins. Pendant les jours Peugeot Pro jusqu'au 30 novembre, découvrez le nouveau Peugeot Partner et le véhicule utilitaire de l'année 2019 et profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Un an, ça se fête. Pour son premier anniversaire, votre application Casinomax vous offre le plein de cadeaux, rien que pour vous. Jusqu'au 2 décembre, c'est la course aux marques dans votre géant. Recevez jusqu'à 30 euros cagnotés sur votre carte pour 30 produits participants achetés parmi des centaines de produits de grandes marques déjà en promotion. Alors à vos marques, prêts, foncez chez Géant. Les prix bas, c'est... Remise sous forme de cagnotte réservée aux utilisateurs de l'application Casinomax. Voir produits signalés en magasin, achat en une ou plusieurs fois sur la période. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin adorerait se doter de la fibre pour Noël. Pour que sa douce, ses deux ados et lui puissent surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien Damien, détrompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibres à prix Noël. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 1 an, offre soumise à conditions, hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Nos IP, Chez Nocibé, c'est Black Friday pendant 10 jours. Chaque jour, 3 ventes flash, 2 produits de grande marque à moins 40% et 1 produit Nocibé à moins 50%. Profitez-en vite en magasin et sur nocibé.fr. Jusqu'au 25 novembre dans la limite des stocks disponibles dans les magasins participants et sur nocibé.fr. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Alors, on fait un brushing cette fois ou bien on les laisse naturels ? Moi, je préfère quand c'est... Discount, je dois filer. Aujourd'hui, la barquette d'1,5 kg d'escalope de dinde d'origine France est à 8,69 € chez Netto. Alors ça, ça décoiffe. Netto, le discounter qui fait la différence. 1,5 kg environ, soit 5,79 € le kilo, modalité sur netto.fr. Tu sais que le nouveau est arrivé ? Qui ça ? Le Beaujolais nouveau. Et qui dit Beaujolais nouveau, dit Pisse-Dru. Pisse-Dru ? Oui, en rouge, en rosé ou en village, Pisse-Dru, c'est le vin du Beaujolais nouveau. Tout frais, tout fruité, tout gaulayant et tout nouveau. Depuis 1955, le Beaujolais nouveau a un nom, Pisse-Dru. Pisse-Dru.fr, participez à notre jeu concours. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est extraordinaire parce que j'ai une copine, Maria, qui nous écoute qui m'a envoyé la fin de la blague. Par texto. Alors, non, mais c'était, je ne sais plus dans quel contexte je l'ai raconté tout à l'heure. Enfin, la blague, c'était celui qui arrive au bar et qui dit, s'il vous plaît, un whisky avant que ça recommence. Alors, on lui sert un whisky. Un autre whisky avant que ça commence. C'est un deuxième whisky. Troisième whisky, avant que ça commence. Et bref, il en prend 10 comme ça. Et à un moment donné, le patron dit, bon, mais c'est bien de commander des whisky, mais il faudrait peut-être les payer. Et voilà, ça commence. C'est ça. Allez, reprenons notre sérieux, s'il vous plaît. Parce que Franck, je ne sais pas si ça le fait. Non, Franck, il n'est pas là pour ça. Franck, mais il est là pour autre chose. Franck, il sait qu'aujourd'hui, c'est vendredi, qu'on se détend un petit peu, mais qu'on va l'aider. Franck, vous nous racontez, s'il vous plaît, sur RTL, le but de votre appel. Oui, donc, il est concerné, j'ai vendu mon véhicule. Allez-y, allez-y. J'ai vendu mon véhicule début janvier 2017. 3 mois plus tard, je reçois un avis de contravention pour un stationnement dangereux en pleine Saint-Denis. Et donc je renvoie le formulaire de requête en exonération parce que le véhicule ne m'appartient plus, avec les justificatifs. Et à ma grande surprise, 1 an plus tard, je reçois un avis d'amende majorée qui me dit que donc l'amende de 135 est passée à 375 €. Donc je renvoie une deuxième fois tous les documents nécessaires pour prouver de ma bonne foi. 3 mois plus tard, je reçois un avis d'opposition administrative. Comme quoi, je vais être saisi sur mon salaire au niveau de mon employeur. Wow. Et ce qui a été effectué, fin octobre de cette année. Bon, n'en dites pas plus, on a bien compris le principe. Encore une fois, voilà quelqu'un qui vend sa voiture, qui fait absolument tout ce qu'il faut, il l'écrit à l'administration. Et comme aujourd'hui, il y a des changements d'organisation dans ces administrations, le boulot n'est pas fait. Qui est le dindon de la farce, le couillon de l'histoire ? C'est lui, parce que je peux vous dire que voir arriver un huissier qui vient ponctionner votre compte déjà au niveau image auprès du patron, c'est pas terrible. Après, il y a toutes les conditions, toutes les répercussions financières, et nom d'un chien, il n'a rien fait. Que ce qu'il fallait, maître de Caumont ? Oui, il est totalement innocent, et en plus, il a appliqué à la lettre toutes les règles d'or qu'on a déjà pu donner sur cette antenne. Parce que je répète que quand vous vendez une voiture, on a pratiquement tous le réflexe de prévenir son assurance. Bien sûr. Pour faire arrêter l'assurance, arrêter de payer la prime, éventuellement signaler une nouvelle voiture à la place. Bon, mais je dis souvent, attention, n'oubliez pas de signaler à l'administration que vous avez vendu la voiture et vous précisez à quel jour, à quelle heure et à quelle personne en donnant son identité. Pour pouvoir justement vous mettre théoriquement à l'abri de toute forme de poursuite. Voilà, l'accusé d'enregistrement, que déclaration de cession d'un véhicule. Donc la préfecture lui envoie bien, lui dit bien, tout va bien, il y a un accusé de réception, vous l'avez vendu, vous n'avez aucun souci. Voilà. Sauf que l'accusé de réception, il a dû rester à gauche du bureau, il n'est pas passé à droite où il est récupéré normalement pour être traité, et voilà le problème. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'effectivement, alors même que notre ami Franck a fait exactement tout ce qu'il fallait faire,

Ne me dites pas que vous êtes Miss Univers. Ah mais je vous le dis pas non plus. Ne me dites pas que vous serez dans À la bonne heure. Ah si, ça je vous le dis, je serai dans À la bonne heure. Iris Mittenaere est de l'invité d'À la bonne heure. Et La bonne heure c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Nous allons lancer l'appel si vous le voulez bien, Céline, maintenant en ce qui concerne la préfecture. C'est parti, ça devrait sonner pour aider bienvenue France. Bienvenue en préfecture et sous-préfecture de Seine-et-Marne. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et j'essaie d'aider un auditeur qui a bien reçu votre papier comme quoi il a vendu sa voiture, qu'il avait fait tout en règle et pourtant il continue de recevoir les PV de l'acheteur. Alors ce monsieur a-t-il bien fait la démarche sur ants.gouv.fr? Exactement, c'est ce que je vous dis, j'ai sous les yeux ce que vous appelez l'accusé d'enregistrement, déclaration de cession d'un véhicule. Alors là je peux pas vous dire du tout pourquoi il ne reçoit encore les amendes, hein, parce que s'il s'est enregistré, logiquement... Voilà. Je suis désolée. Donc là, je ne peux pas vous dire. Hein. Donc là, aujourd'hui... Si c'est enregistré sur ants.gouv.fr, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il devrait retourner voir sur ce site, savoir si la demande a bien été enregistrée. Il a un accusé d'enregistrement, madame. Alors donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Mais c'est pour ça. Peut-être que c'est des amendes qui étaient en instance d'avant. Ah non, c'est des nouvelles. On a même été le saisir sur son salaire. Donc aujourd'hui, que dit la préfecture à quelqu'un qui est dans cette situation? Ben, de relancer la demande. De relancer la demande. D'accord. De quoi? Mais quelle demande, c'est-à-dire? De la demande de cession, retourner sur le site et voir ce qu'il en est exactement. C'est magnifique. Ok. Je suis désolée, monsieur. Je sais bien, madame, vous faites ce que vous pouvez et vous le faites bien. Ouais, parce que normalement, ça devrait bien marcher. Nous, on a rarement des soucis. Hein. C'est qu'il y a eu un problème dans l'enregistrement, dans d'accord. Le système d'enregistrement. Bon, allez, ça marche. Je ne vous embête pas plus longtemps. Merci, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Nous allons appeler le directeur de cabinet de cette préfecture. C'est magnifique ce qui vient de se passer. C'est magnifique. C'est atterrant. Alors, écoutez, on peut chanter l'hymne de la préfecture une fois de temps en temps. Ah, hein. Oui. Ça marche pas, pour essayer, ça marche toujours pas. Ah, c'est emmerdant. Bah oui. Bon, bah vous souhaitez une bonne journée. Allez, nous allons appeler, c'est magnifique. Enfin, jaune, mais c'est magnifique. Nous allons essayer d'avoir la préfecture, vous la passez à Bernard Sabat, ou l'officier du ministère public, ça ne sert à rien de l'appeler, parce que si on arrive à l'avoir, franchement... Bah, l'officier du ministère public, la seule chose qu'il puisse faire, éventuellement, si, quand même, c'est de dire au trésor public, qui, vous l'avez entendu tout à l'heure, Julien, dit, moi, je continue, et la loi l'y oblige, je continue le travail de saisie, de blocage, tant que j'ai pas un contre-ordre, et c'est vrai que le contre-ordre doit venir de l'officier du ministère public. Alors, on peut éventuellement lui en parler. Passons par la préfecture, essayons d'avoir, pourquoi pas, le directeur ou la directrice de cabinet de Madame Béatrice Abbeau-Olivier, qui est la préfète de Seine-et-Marne, à Melun. Non, il n'y aura pas d'histoire drôle sur Melun, entre Félodeau. Non. Les histoires de Melun, son acolyte qui construit ses maisons. Non, c'est pas le site de la maison. Je vais vous faire écouter quelque chose, maître de Caumont. Hier, on a appelé un monsieur. C'est gentil. Et quand on lui a dit bonjour, c'est Julien Courbet, et il a eu un soupir. Un soupir un peu d'agacement, mais qui rentrera dans les annales de la radio. Je voudrais vous faire écouter ça pour ceux qui n'étaient pas là hier ou avant-hier. Julien Courbet, c'est la radio RTL. Bonjour. Du coup, on est là. Ah oui, il est bon. On dirait presque un train qui passe. Oui, c'est un des plus beaux qu'on ait eu. Ou alors c'était son dernier souffle. Oh, peut-être aussi, vous avez raison. Allez, mesdames et messieurs, voici maintenant, demain à 13h30, dans Confidentiel de Jean-Alphonse Richard, il vous racontera la vie, la carrière et malheureusement la fin de vie de Whitney Houston. Une émission à ne pas manquer. Voici un de ses plus gros tubes. 1987. I wanna dance with somebody who loves me. C'était la grande reine des années 90. Ce titre-là date de 1987 et malheureusement, la drogue a eu raison de sa carrière, que ça serve de leçon à tout le monde. Mais quel talent, quelle voix! Whitney Houston est sur RTL.

Bonjour, comment allez-vous? Alors, très très bien, je vous en prie. Merci Maweb. Donc, votre propre banque avait clôturé quand même le compte de sa propre cliente alors qu'ils ont des caméras de surveillance qui prouvent bien que dans le CIC, le voleur est venu ouvrir un autre compte et il vous réclame en plus des sous. C'est un truc de dingue. Hier, nous avons tenté de les appeler à plusieurs reprises et c'est la seule des trois banques d'ailleurs qui ne nous a pas réagi immédiatement. Qui n'a pas réagi. Mais entre-temps, Maweb, je crois que vous avez eu dans l'après-midi un coup de fil. Absolument. La directrice de la banque de l'agence CIC ABI a téléphoné à ma fille. Elle lui a proposé dans un premier temps de la rencontrer samedi. Elle a rappelé une seconde fois pour lui dire que le défichage est en cours. Soit le défichage, soit la mention... Identité usurpée. Alors, je voudrais te dire juste une chose, que ce soit les trois banques, mais surtout aussi, c'est qu'on n'est vraiment pas là pour les embêter, faire un rapport de force. On est juste là parce que c'est juste de faire ça. Elle n'y est pour rien, on peut tous se faire piquer ses papiers, dans la mesure où il est prouvé que ce n'est pas elle qui est en train d'arnaquer la banque, et c'est facilement prouvable, puisque la police sait de qui il s'agit, il y a des vidéosurveillances. Pourquoi lui bloquer son compte et lui demander de continuer à payer, Maître Fellano? Oui, alors surtout, moi... Surtout qu'eux ont ouvert un compte... Alors que ce n'était pas elle. Non, exactement. Mais ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est que par trois fois, la Banque de France a alerté les trois banques incriminées, si vous voulez, concernées par cette usurpation d'identité, et que rien n'a été fait. C'est même rare que la Banque de France prenne ces initiatives, puisqu'elle n'est qu'une espèce de chambre d'enregistrement. Seules les banques, vos banques ou les banques qui vous incriminent, ont le pouvoir de faire marquer cette mention fichage, usurpation d'identité, ou même faire un défichage qui, je vous rappelle, est automatique 5 ans après les faits. Merci Maître Fellano. Donc, contente Maweb? Absolument. Si vous permettez, je voudrais aussi quand même avoir une pensée solidaire pour les milliers et milliers de citoyens et citoyennes françaises dont l'identité est usurpée et qui n'ont pas cette chance inouïe de médiatiser leur drame et qui se retrouvent complètement démunis. Je suis d'accord avec toute votre équipe. Je vous en prie. Donc vous nous tenez au courant, vous allez à ce rendez-vous. Attention, soyez quand même fermes sur vos positions. Ça, on se reparlera peut-être au téléphone. Et puis on se parle semaine prochaine pour savoir comment le CIC va vous sortir de là, puisque c'est votre banque, d'accord? Alors du coup, je change ma partition. Il y en a eu une hier. Évidemment, maintenant, ce n'est plus du tout le même texte. C'est ça y est, ils vont peut-être régler. C'est arrêtez de casser, c'est. Voilà, on verra bien comment ça se passe. Vous me tenez au courant? Absolument. Merci Maweb. Merci beaucoup, allez, Julien. Double coup à de gueule. À vous et à toute votre équipe. Je vous en prie. Double coup de gueule dans un instant de Bernard Sabat sur deux cas où, justement, il s'agit de voyage. Ça tombe bien, on se fait balader. Est-ce que vous avez envie d'écouter maintenant Zazie? Eh bien, je dis oui. Zazie, carton absolu, speed sur RTL. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchés. Et encore, nous parlons maintenant voyage, voici un coup de gueule de Bernard Sabat. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Déjà un premier coup de gueule sur un premier cas traité cette semaine en direct sur RTL, c'était celui de Cécile. Sa fille devait partir en vacances en Espagne, mais arrivée à l'aéroport, elle apprend que son vol est annulé pour congestion du trafic aérien. Bon, alors la congestion du trafic aérien, on a expliqué ce que c'était, hein, il faut mettre un peu de Vic sur la poitrine et normalement ça décongestionne. Mais en attendant, elle a demandé, elle, des remboursements puisqu'il a fallu qu'elle reste sur place, qu'elle se loge, etc. Quelles étaient les compagnies en présence, Bernard Sabat ? Alors donc, la compagnie concernée était Vueling, Julien. Compagnie low cost, qui est partenaire de Iberia, on les a appelés. Ils devaient nous joindre ou appeler notre auditrice. L'ont-ils fait ? Posez-lui la question déjà à Cécile. Alors Cécile, est-ce que l'on a eu du nouveau ? Alors, Cécile est en ligne avec nous. Cécile, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Est-ce que vous avez eu du nouveau ? Pas du tout. Pas de son, pas d'image. Rien du tout. Très bien. Donc ça, c'est pour la compagnie Vueling. Ça montre un peu le sérieux de la compagnie quand vous avez un souci, parce que vous êtes planté quand même, hein, c'est-à-dire que vous arrivez à la porte d'embarquement et on vous dit trafic congestionné, vous ne partez pas, débrouillez-vous. Et après, quand vous essayez de faire valoir vos droits, on ne vous répond même pas. Rappelez-vous, c'est comme ça que pour l'instant, Vueling traite le dossier. Oui, et je pense qu'il est important de dire, c'est dans ces cas-là, chers auditeurs, quand vous avez un souci avec une compagnie aérienne, écrivez à la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, pour expliquer votre cas, parce que s'il y a plusieurs cas, automatiquement, cet organisme va venir contrôler, non pas l'appareil sur le plan technique, sur le tarmac, mais aussi de dire attention, vous volez au départ de notre sol, vous devez respecter les règles européenne. Bien, donc là pour l'instant toujours rien ne se pas passe. Nouvelle, on va interpeller, je crois qu'il y a un représentant en France, c'est Laurent Besnéard. Laurent Besnéard, merci, vous représentez Vueling. Vos passagers entendent vous n'allez pas partir car le trafic est congestionné et on ne voudrait pas lui faire prendre froid. Donc vous restez sur place et vous vous débrouillez. En ce qui concerne après les remboursements éventuels, vous pouvez toujours appeler. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, grosso modo, ce qui s'est passé avec Vueling. Donc on continue. Et Cécile, je pense que dans un deuxième temps, ça c'est typiquement un cas que pourrait traiter demandejustice.com. Le problème, c'est que c'est en Espagne. Non, on pourrait le faire en France. Oui, on pourrait le faire en France. Que ça t'est acheté en France, que le consommateur est français. On peut tenter le coup, effectivement. On peut également, parce qu'il y a une procédure européenne pour les petits litiges qui se fait ici sur Internet. Mais moi, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Parce que sur quoi parie ce genre de débiteur, c'est de dire, oh, de toute façon, pour 400, sur 500 150 euros, dans l'avion, il n'y en a que 3 qui vont le faire. Oui, exactement. Non, mais, voilà. Oh, ils n'iront pas jusqu'à saisir le tribunal parce que c'est vrai que c'est fastidieux, parce que c'est vrai que c'est casse-pied. Mais moi, je suis désolée, vraiment, faites-le. Oui. C'est comme ça qu'on arrivera à faire valoir et reconnaître le droit peut-être du consommateur. Le ministère des Transports pourrait un jour faire une belle réunion également, dans laquelle il pourrait être acté que, quoi qu'il arrive, il y ait d'énormes pénalités pour les compagnies qui traitent avec dédain comme ça des gens qu'ils ne font pas partir. Exactement, Julien, mais rappelez-vous, la PST mardi, vous disiez le problème, c'est qu'il n'y a pas de caisse commune, il n'y a pas d'action commune là-dessus, il faut changer les règles. Alors, décidément, l'Espagne, ça va mal, car il y aura, donc c'est Vueling Airlines et Iberia, hein, c'est ça. Donc, parce que ça fait partie du même groupe, visiblement. Oui. Merci de bien vouloir nous donner des nouvelles. Si Cécile, ça ne bouge pas, je vous envoie sur demandejustice.com. Les Espagnols, ils sont bons au foot, mais dans l'aérien, ça ne suit pas bien. L'avion est tout congestionné. Veniva España. On n'est pas là pour rembourser. Veniva España. Si encore ça se passait comme ça. Si encore dans l'aéroport, tous les gens qui ne prennent pas l'avion pouvaient chanter, au moins on se rendrait la gueule. Deuxième cas dans une seconde, c'était... Et vous pourrez continuer de chanter en espagnol, puisque ça concerne aussi une compagnie espagnole. Sandrine a manqué son vol Luxembourg-Nice, mais elle a quand même eu le temps de mettre ses bagages en soute, et depuis, elle ne parvient pas à les récupérer. Si vous avez des problèmes, quels qu'ils soient, travail, PV, voiture, assurance, on est là, vous le savez. C'est RTL, à tout de suite. Everybody's dancing and everybody's on the beat. La Poste Mobile présente l'immanquable Noël. Immanquable ? Pourquoi ? Parce que le forfait 60 gigas sans engagement est à 9,99€ par mois à vie au lieu de 18,99€ par mois. À vie ? Oui, à vie, avec la maxi remise box plus mobile. Ça, c'est cadeau. Jusqu'au 26 janvier 2019, à La Poste Mobile, pour toute souscription à Inbox, ne manquez pas notre forfait SIM 60 gigas à prix magique. Rendez-vous en bureau de poste. Remise appliquée à vie à compter de la deuxième facture mobile qui suit l'activation des deux offres box et mobile et sous réserve de ne pas résilier l'offre box. Voir conditions sur La Poste Mobile. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... Une fois que j'aurai changé la robinetterie et le sèche-serviette de ma salle de bain, je vais devoir renoncer à ma double vasque. On vous répond, c'est le moment de tout changer. Jusqu'au 18 novembre, bénéficiez de 10€ offerts en carte cadeau par tranche de 100€ sur tout l'univers salle de bain à partir de 300€ d'achat. Dépêchez-vous, c'est le dernier week-end pour en profiter. Leroy Merlin, et vos projets vont plus loin. Voir conditions en magasin. Avec le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. J'ai des avocats parfaitement mûrs, mais je sais pas comment les préparer. Une salade avocat crevette, Michel. Ça me tente bien, très bonne idée. En plus, pendant le mois Carrefour Market, c'est le best-of des promos. Nos poissonniers vous proposent jusqu'à demain les 100 grammes de crevettes roses cuites à seulement 79 centimes. Ça va être un véritable succès. Carrefour Market. Et aujourd'hui, vendredi, c'est moins 10% sur toute la poissonnerie créditée sur votre carte de fidélité. Soit 7,90€ le kilo, calibre de 40 à 60 pièces au kilo, origine selon approvisionnement en magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Replongez dans le monde de la magie avec le film Événement par la créatrice de Harry Potter. Pour vaincre Grindelwald, Dumbledore doit faire appel à son ancien élève, Norbert Dragono. Les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, actuellement au cinéma. Avec RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, des nouvelles de Lidl ? Ah, toute fraîche, hein ? Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus ? Plus ? Et ben, du 26 septembre au 25 novembre, pour 15€ d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah ben, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. Machine de verre et d'acier, elle débarque sur Terre pour sauver notre monde. Ses super pouvoirs, caméra de recul, démarrage sans clé, connectivité avancée, maniabilité optimale, optique LED. Découvrez les super pouvoirs de la nouvelle Skoda Fabia Clever à partir de 99€ par mois. Offre avec 1000€ de prime à la conversion et 3000€ de remise déduite jusqu'au 31 décembre 2018. Location longue durée à particulier, 37 mois, 30 000 km, premier loyer de 1295€ sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur skoda.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sandrine est passée mardi dernier, 10 septembre 2018, vol Luxembourg-Nice. Elle enregistre comme prévu tous les bagages, part pour aller en soute et au moment d'arriver à la porte d'embarquement, on lui dit qu'elle arrive trop tard. On l'empêche de monter dans l'avion. Elle décide donc de racheter un billet à une autre compagnie. Personne ne lui dit ce qu'il va devenir de ses bagages. Bref, elle les cherche depuis combien de temps, Bernard, à peu près, ses bagages? Depuis le 10 septembre 2018, Julien. Bon, le fait qu'elle soit arrivée en retard... ça n'empêche pas la compagnie de lui rendre ses bagages. Je vais le faire immédiatement, Julien. Bien sûr. Immédiatement, on aurait dû lui rendre ses bagages. On parle quand même de la sécurité, ça veut dire qu'elle ne monte pas dans l'avion, mais on laisse quand même les bagages partir. Si vous réfléchissez un petit peu, vous vous dites que d'autres personnes mal intentionnées pourraient faire la même chose, ne pas monter dans l'avion et envoyer des bagages qui contiendraient quelques substances explosives. Où en est-on, Bernard Sabat? Ce sont donc Volotea, c'est espagnol également? Exactement. Oh. Et le drame, Julien, c'est que depuis 3 jours, personne ne nous appelle, personne ne répond et personne n'appelle Sandrine. Car quand on avait fait notre enquête mardi, rappelez-vous, sur le dossier initial de cette cliente, il n'y avait pas d'étiquette bagage. Pour eux, les bagages n'existaient pas. Alors qu'on a bien les numéros d'étiquette bagage, on l'a transmis à la compagnie. Pour l'instant, aucun retour. Ce n'est pas bien de la part de ces compagnies, Julien. Quand on n'a pas le choix, effectivement, on prend une compagnie espagnole, etc. Mais je vous le dis, les amis, encore une fois, moi, je n'ai pas d'action dans la compagnie française, ni je n'ai d'action dans aucune compagnie. Mais force est de constater que quand on a des problèmes avec ces compagnies-là, vous l'avez vu, si vous étiez là mardi, on a dû appeler, il y a quelqu'un qui parlait espagnol, et puis personne ne vous rappelle. Donc, vous êtes seul au monde. Donc, il faut le savoir avant de faire le choix de prendre des compagnies comme ça. Oui, c'est fou. Il n'y a aucun guichet, Julien. Ouais. Donc moi, je trouve ça quand même incroyable parce que, je le rappelle, la perte d'un bagage, l'acheminement d'un bagage est sous la responsabilité exclusive de la compagnie d'aviation, non pas celle de l'aéroport. Donc ils ont une obligation de résultat de vous rendre vos bagages. Donc si on n'a personne à qui parler, à qui montrer ses tickets, ouais. Rappelez sur Internet, etc. Franchement, c'est insupportable. Et après, les gens lâchent le morceau. Et c'est là que c'est bien un idiot parce qu'il ne faut pas le lâcher. Et tout est basé évidemment à Barcelone et c'est bien là le drame, Julien. Il n'y a pas de bureau de représentation en France. Bon, alors, que ce soit Volotea ou que ce soit Vueling. Iberia ou que ce soit Vueling, on continue et on va essayer d'obtenir pour Sandrine, sinon effectivement, demander justice.com va s'en occuper, mais on va quand même les relancer lundi. Mais décidément, hein, ces Espagnols, ils nous font les misères. Et tout le monde dans l'aéroport dit « Viva España !» Tes valises, on les a pas retrouvées. Et viva España! Le même slip tu vas garder. Et viva España! Je suis bien obligé, Maître Félodon, de parler des conséquences. Oui, vous parlez de l'aspect juridique, mais moi je suis plus terre à terre. Oui, parce qu'elle est là, la réalité. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, nous avons une très bonne nouvelle à vous donner assez rapidement. C'est Ernesto. Ernesto, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour l'équipe. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Ernesto? Il était sans retraite. Attendez, Charlotte. Charlotte qui adore le Portugal, puisque vous êtes là-bas, va vous expliquer. Il était sans retraite depuis le mois de juillet, et normal puisque son organisme de retraite le soupçonnait d'être décédé. Donc il est parti pour faire sa retraite là-bas, et on lui dit « Vous êtes mort, monsieur ». Il a dit « Ah non, je vous assure que non ». Ben non, on vous assure que si. Et ça durait, on lui devait beaucoup de sous. Et qu'est-ce qui s'est passé, Ernesto? Eh ben Ernesto, il a quitté son 2 mètres carrés du Père Lachaise pour 100 mètres au soleil. Ah ben voilà. Bon, vous avez tout touché, Ernesto. Je suis super content pour vous. C'est génial. Excellent. Bravo, Ernesto. Et merci à la CNAV hein, qui nous a écoutés dès qu'on les a appelés. Vraiment, on a eu un interlocuteur formidable. Ben, je suis ravi pour vous. Il fait beau là-bas, Ernesto? Oui, on a un beau soleil ce matin. Il fait très, très, très beau là. Bon, ben, c'est super. Eh ben, vive à Portugal, Ernesto, et à bientôt. Merci, à bientôt. Profitez-en bien, Ernesto. Bon, mais c'est magnifique, voilà, quand on a des organismes comme ça qui comprennent très vite qu'il y a quand même quelque chose d'absurde, parce que expliquer à quelqu'un au téléphone qu'il est mort, c'est toujours des choses qui nous fascinent. En ce qui concerne le point info, pour Romuald qui est passé par un professionnel pour l'achat de son véhicule, qui est dans un état vraiment pas terrible, finalement ça va s'arranger. Oui, Youssef Savag a pris la décision de rapatrier le véhicule, de le réparer et justement de constater les dégâts. Plus grave, Franck, lui, il a fait tout ce qu'il fallait auprès de la préfecture de Melun. Pourtant, il continue de recevoir des PV. Nous avons eu la préfecture de Melun qui nous a dit on ne converse, en tout cas, madame la préfète, que par mail. Exactement. Alors, nous allons remonter au ministère de l'Intérieur. Promis, Julien, on va s'en occuper. Merci, madame la préfète de Melun, en tout cas, de jeter un petit coup d'œil, parce que vous ne dialoguez que par mail, ça ne me pose aucun problème. Mais quand il y a quelqu'un comme Franck qui se fait saisir son salaire parce que dans vos services, alors qu'on lui a donné un accusé de réception, de cession de véhicule, il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est pas terrible. Parce que lui, l'administration, il pensait qu'elle était là pour l'aider, pas pour l'enfoncer. Pour le reste, vous venez de tout entendre. Vive la France, vive la République. On en parle. Le recyclage, c'est l'affaire de tous. On en parle avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et Véronique, bonjour. Bonjour. Vous êtes experte dans un bureau d'études en innovation et éco-conception. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, à intégrer la protection de l'environnement dès la conception des produits pour réduire leurs impacts environnementaux tout au long de leur vie. Et comment fait-on? Alors, avant tout, il faut informer les entreprises des procédés utilisés pour le démantèlement, la dépollution et la récupération des matériaux issus des produits en fait.